ma haine. Authentique et vrai, non, je n'ai jamais renoncé. C'est une quête que je mène, ce rêve coule dans mes veines. Et si ça ne vient pas, j'essaierai encore une fois.